Chapitre 55e. Ce n'était point le luxe de l'aménagement qui avait fait le succès du couvent de Sainte-Rutilie. Ce couvent, en effet, avait été tout simplement établi dans un grand bâtiment élevé pour être une filature de lin, et il portait le caractère architectural de sa destination première, un cube en briques rouges percé de nombreuses fenêtres à petits carreaux. Vendu avant d'avoir reçu ses machines et ses métiers, par suite de la déconfiture de la société qu'il avait fait construire, il avait été acheté à vil prix par l'abbé Guillemite, qu'il avait transformé, tant bien que mal et plutôt mal que bien, en une maison d'éducation. Comment un homme qui, par la construction de l'église d'Annebault, avait révélé de si hautes connaissances et un goût si pur en architecture, avait-il pu acheter une chose aussi laide que ce bâtiment? Ce n'est point le sujet de ce récit, et il suffira de dire ici que cette acquisition avait été inspirée par cet esprit d'entreprise qui lui avait fait trouver des millions pour commencer les travaux de son église. Ayant sans cesse besoin d'argent et pour longtemps encore, car les plus grosses sommes fondaient comme neige entre ses mains, il avait calculé qu'une maison d'éducation qui placerait sous son influence les jeunes filles les plus riches de la province, elles, leurs parents, leurs maris et leurs enfants, serait une ressource féconde dans laquelle il pourrait continuellement puiser, et il avait acheté cette filature abandonnée. Sans doute le bâtiment était peu convenable pour l'usage auquel il voulait le consacrer, mais c'était là une question secondaire. Le principal, pour le moment, était d'avoir 4 murailles et un toit pour abriter les premières élèves. Le reste viendrait plus tard. Il était de ceux qui ne s'effraient point d'un point de départ humble et bas. Le tout en ce monde est de partir, le pas s'allonge en marchant. Il avait marché à grands pas, à pas de géant et en peu d'années. Le couvent placé sous l'invocation de Sainte-Rutilie, qui avait commencé avec 8 élèves, avait été adopté par la mode. Toute famille respectable et pensant bien mettait ses filles à Sainte-Rutilie. « Notre sainte a fait ce miracle, » disait modestement l'abbé Guillemite, en remerciant de son succès la bienheureuse Sainte-Rutilie, dont les reliques étaient exposées dans l'église d'Annebault. Moins humble, il eût dû reconnaître qu'il était bien pour quelque chose dans ce succès miraculeux, et plus sincère, il eût dû reconnaître aussi la large part qui revenait à la supérieure qu'il avait placée à la tête de cette maison, la mère Saint-Alix. Mais c'était là des aveux qu'il ne lui convenait pas de faire, et il trouvait plus utile à ses intérêts d'expliquer la réussite de son entreprise par l'intercession de la sainte plutôt que par son intelligence à lui ou par le zèle de ses collaborateurs. Son intelligence, elle n'était que trop universellement admise et que trop généralement redoutée. Quant à ses collaborateurs, il n'en prenait pas souci et la mère Saint-Alix lui était trop entièrement dévouée pour se plaindre jamais. Après avoir donné son intelligence, sa peine, sa vie à la fondation du patronat de Saint-Joseph, dont elle avait fait une maison modèle pour les travaux de l'aiguille, elle donnait maintenant, avec le même zèle et la même abnégation, son intelligence, sa peine et sa vie à la fondation du couvent de Sainte-Rutilie, dont elle était en train de faire une maison modèle pour l'éducation. C'était sa tâche en ce monde et son bonheur d'obéir à la main qui la dirigeait. Ordinairement, en bonne administration, lorsqu'une entreprise réussit, on consacre une partie des produits qu'elle donne à l'améliorer ou à la perfectionner. Mais ce n'était point ainsi que les choses s'étaient passées au couvent de Sainte-Rutilie. Pas un sou des 25 à 30 000 francs de bénéfices qu'il fournissait par an n'avait été employé dans le couvent lui-même, car la grande affaire de l'abbé Guillemite, c'était son église, qui, comme un abîme sans fond, absorbait toutes ses ressources. Cette église terminée, s'il la terminait jamais, il s'occuperait plus particulièrement de son couvent, de son patronat, de sa maison de banque, de son hôpital, de son imprimerie, de toutes ses autres affaires, qui pour le moment n'étaient que les satellites de son église. Leur tour viendrait plus tard. Tout d'abord, il ferait construire son couvent d'après un plan que depuis longtemps il avait esquissé sur le papier. Ce serait une merveille. Tout était arrangé, disposé, prévu dans sa tête. Alors il serait bien près d'atteindre le but qu'il poursuivait. Par son église qui faisait des miracles, il tiendrait les âmes. Par son couvent qui élèverait les jeunes filles, il dirigerait les esprits. Par sa maison de banque en relation d'affaires avec tous les industriels et les commerçants de la contrée, il pèserait sur les intérêts. Il faudrait bien que l'évêché compte avec lui, reconnût sa puissance, fît sa soumission. Malheureusement, ses temps étaient encore éloignés, car son église n'était pas terminée, et l'argent devenait de plus en plus difficile à arracher à la piété ou à la vanité des fidèles. Les premiers millions avaient été trouvés par grosses sommes, les derniers n'arrivaient que sou à sou. Sa vie ne s'usera-t-elle pas dans cette lutte ? verrait-il jamais sa terre promise ? Déjà, sa santé avait été terriblement éprouvée par les efforts incessants, par les fatigues, les fièvres, les angoisses, les insomnies qu'il s'était imposées. Pourrait-elle aller jusqu'au bout ? Quand Clément se présenta au presbytère d'Annebourg pour lui parler de Denise, il était précisément au lit, en proie à un accès de fièvre causé par sa dernière échéance qui avait été des plus laborieuses et dont il n'était sorti triomphant que par des prodiges d'adresse. Sa première réponse fut que son état de maladie l'empêchait de recevoir personne. Mais Clémence, ayant insisté en faisant sonner haut le nom du marquis de Rudemont, il se décida à quitter son lit. S'étant fait habiller par son domestique, car il tremblait trop fort pour boutonner sa soutane lui-même, il descendit, enveloppé dans une douillette qu'il avait endossée en guise de pardessus. Il avait été au château de Rudemont pour ses quêtes depuis que Clémence y séjournait, mais ne s'étant point trouvé avec elle, il ne la connaissait point, tandis qu'elle le connaissait parfaitement et savait quel homme il était. « C'est de la part de monsieur le marquis de Rudemont que vous avez à me parler, » dit-il en se tassant dans son fauteuil pour avoir moins froid. « Il a fallu, je vous l'avoue, le nom d'une personne aussi généreuse, aussi respectable, pour m'obliger à quitter mon lit où la fièvre me retenait. Me voici donc, madame, tout à votre disposition, prêt à faire pour monsieur le marquis de Rudemont, à qui je dois tant, tout ce qui sera en mon pouvoir. » Alors Clémence, en quelques mots rapides, clairs et précis, lui expliqua qu'elle était l'institutrice de la pupille du marquis, mais que forcée de retourner à Paris, elle ne pouvait pas continuer l'éducation de cette jeune fille, de sorte que le marquis désire faire entrer sa pupille, pour laquelle il avait une très vive affection, au couvent de Sainte-Rutilie. « Pardonnez-moi, » dit l'abbé Guillemite, après l'avoir attentivement écouté, « une question qui sans doute va vous paraître indiscrète, mais que cependant je suis obligé de vous adresser. N'est-il point à votre connaissance que la naissance de cette jeune personne serait irrégulière ? Mais, monsieur le doyen, mon Dieu, madame, je suis le premier à reconnaître combien ma question est étrange, et j'ai pris les devants pour vous en avertir. Aussi n'ai-je pas la prétention de vous obliger à y répondre. Vous pouvez très bien, si vous le jugez convenable, garder le silence à ce sujet. Seulement, dans ce cas, je serai contraint de la poser à monsieur le marquis lui-même. Il vous appartient donc de voir si la mission dont vous êtes chargé par monsieur le marquis vous autorise à parler, ou bien s'il vous fait une loi de ne pas répondre. J'ai mes raisons pour vous adresser cette question. Vous pouvez avoir les vôtres pour vous taire. Il est vrai, dit-elle après un court moment de réflexion, que cette naissance n'est pas régulière. Fille d'une femme de théâtre, n'est-ce pas ? Cela est vrai, mais filleule du marquis de Rudemont et de plus sa pupille. Cela ne change rien à la naissance de la jeune personne. Comment monsieur le marquis a-t-il pu penser que malgré tout le respect que nous avons pour sa personne, toute la déférence que nous devons à son nom, il ne serait possible d'admettre à Sainte-Rutilie une élève dont la naissance est illégitime et qui de plus est la fille d'une comédienne ? Elle fut déconcertée et demeura sans réponse. Avait-elle approché le but de si près pour le manquer ? Que Denise n'entra pas immédiatement au couvent, le plan du marquis était anéanti. Elle serait obligée de rentrer au château, il faudrait différer leur départ. Cette nuit, dont la menace avait épouvanté le marquis, s'écoulerait. Le lendemain, tout ne se trouverait-il pas remis en question ? Que faire ? Heureusement pour elle, l'abbé Guillemite lui donna le temps de la réflexion. L'idée qui a inspiré la fondation de notre couvent, dit-il, est celle-ci, que l'éducation d'un enfant se fait autant par ses camarades que par ses maîtres, de sorte que cet enfant ne doit se trouver en contact qu'avec d'autres enfants dignes de lui ou, si vous aimez mieux, ses égaux par la naissance, les sentiments et la position sociale. Comment, au milieu d'un troupeau de jeunes filles qui toutes réunissent ces conditions, pourrions-nous recevoir une brebis étrangère ? Son parti était pris. « Nous savions tout cela, dit-elle. Mais monsieur le marquis avait pensé que si vous pouviez vous départir de votre règle, ce serait en faveur d'une enfant qui est en réalité sa fille. Des raisons particulières l'empêchent de la reconnaître en ce moment, mais elle sera son héritière. Héritage exposé à bien des événements avant de se réaliser. Sans doute, mais enfin, si cette jeune fille, après avoir passé quelques années dans une maison telle que la vôtre, se sentait attirée vers la vie religieuse, monsieur le marquis serait disposé à lui constituer dès ce moment une grosse dot. Ah ! Aussi me semble-t-il que ce serait vraiment une bonne œuvre, sous tous les rapports, de la recevoir, et si la règle de votre maison vous l'interdit ?» Elle se leva. « J'espère être plus heureuse en frappant à une autre porte. »« Il est certain, » dit-il en étendant la main pour la retenir, « que la situation, envisagée à ce point de vue, est bien différente. Cependant, reste toujours la naissance. » « Ce qui pourrait être un empêchement, j'en conviens, si cette naissance était connue de tout le monde. Mais qui sait la vérité à ce sujet ? Deux ou trois personnes peut-être la soupçonnent, et si elles voulaient parler, leurs paroles, en présence du fait accompli, ne trouveraient aucune créance. Ce ne seront pas en tout cas les camarades de la jeune fille qui se plaindront. Elle a quitté la maison maternelle toute jeune, et elle est un modèle de douceur et de tenue. » « Et quand deviez-vous nous amener cette jeune fille ?» demanda l'abbé après un moment de silence. « Mais aujourd'hui même, monsieur le marquis devait la conduire au couvent. « Eh bien, vous pouvez lui dire que je me rends à son désir. Je vais écrire un mot à la supérieure pour qu'on admette sa pupille. Je vous serai reconnaissant d'expliquer à monsieur le marquis que si je ne vais pas la recevoir moi-même de ses mains, c'est que je suis retenu au lit par cette fièvre. Aussitôt qu'elle m'aura quitté, j'aurai l'honneur d'aller lui faire ma visite. » Clémence ne retourna pas à Rudemont, mais elle écrivit quelques lignes au marquis pour lui dire que Denise était attendue au couvent de Sainte-Rutilie. Et en faisant porter ce billet par un express, elle donna l'ordre au cocher de la conduire à la station.